Je tâche toujours d'être cohérent avec moi-même. Notre but, c'était l'indépendance dans l'amitié avec la France et même dans la Confédération. Parce que nous songions au Commonwealth. Or, que nous proposait De Gaulle ? De Gaulle nous proposait, si nous votions oui, de pouvoir exercer notre droit à l'autodétermination. Mais revenons à la commission chargée d'élaborer la constitution de la Ve République. Nous étions deux à demander que l'on inscrivit dans la constitution le principe de l'autodétermination. Chaque colonie pourrait choisir entre l'autonomie et l'indépendance. Nous avions donc été battus. C'est alors que j'ai écrit à mon ami Pompidou, alors directeur du cabinet de De Gaulle, une lettre que Mme Pompidou a encore dans ses archives. Et je lui demandais d'intervenir auprès du général De Gaulle pour l'inscription dans la constitution de la Ve République du principe de l'autodétermination. Et De Gaulle, passant outre à l'avis de la commission, inscrivit ce principe. Dans ces conditions, la logique de ma politique et l'honnêteté me recommandaient de voter oui. Et là encore, l'histoire m'a donné raison. En dehors de la Guinée, où le non triomphe, c'est le oui qui l'emporte. Même à Bamako, où Modibo Keïta annonce la décision de son parti.